comme moi, je bosse comme toi. J'en fais une histoire comme à la télé, ça se voit. T'aperçois la pointe de marée, m'arrive et baisse-toi. Master Obi-Wan débarque et demande on encaisse quoi. C'est sûr qu'on blesse les gens qui sont sensibles, on fesse-toi. Faudra pas nous prendre pour des imbéciles, toi t'en penses quoi. Les gens tombent un peu comme l'effet d'un domino. Avec moi, STY, LO, je te mets KO. Tu connais le spot, tu connais les potes qui se déplacent quand il est temps d'encaisser ou de donner des claques. C'est pas des blagues, c'est toute une vie écrite en histoire. Des fois ça tue comme l'enfant tueur de star. Mais j'ai pas de place pour les gens qui sont menteurs. Mon micro le détonateur, t'inquiète, y'a pas d'informateur. Les gens tombent un peu comme l'effet d'un domino. Avec moi, STY, LO, je te mets KO. Party and bullshit, and party and bullshit. Mais quand il t'aime, t'es proche et sur terre. Tout le monde fout le camp. Ce soir, tout est perdu. Le gros t'a même le droit de rêver. Si t'as des gros projets, un discours, sa vie nous emprunte. On prend de la base, des verres de glace. On perd des faces. Et tant que t'es last, ici, fils, cette relation. Avec le hip hop, c'est qu'on m'isole ta veste. Pour avec le bloc. Clic, clot, t'as la détonation des regards de toutes mes potes. Party and bullshit. And party and bullshit. And party and bullshit. And party and bullshit. Pour ceux qui savent faire le party, ceux qui savent s'amuser, ceux qui ont pas oublié comment fêter. Pour ceux qui aiment se saouler, ceux qui peuvent passer la soirée à fumer. Joint après joint, on jamais. Toujours quelque chose pour casser ton party. Une gang de crinqués, cinglés, qui débarquent avec la bullshit. Moins d'autres des chums qui débarquent avec la bullshit. Puis toutes les accros allument comme frappés par la food shit. Moi j'aime les cool shit, les rires et les délires. Nos parties soient bons souvenirs, pas oublier de soutenir. C'est pour le meilleur et pour le pire. C'est le party, c'est la bullshit. Toujours du real shit. J'ai fait real shit. Avec Ponder et Charlie Brown, c'est les clips. Pump the underground, c'est les lignes. Lève la tête, regarde vers le ciel, c'est les clips, c'est les guides. Du gars, ouais, c'est les guides, c'est l'essentiel, c'est les guides. Party, bullshit, remix, solide. C'est la veille qu'on trouvera notre grosse face sur un poster. On continue d'avancer straight comme un putain de rollercoaster. Dur comme ciment, j'fais ma bullshit, pas besoin de remerciement. Ils savent d'où j'viens, où j'habite, trop bien me trouver si j'm'en. J'consume ma vie comme du green dans un deux paper. Faut qu'un jour j'arrête pour mon son, pour moi et mes codes brother. Les exigences, si Brown veut pas, je les rencontre. Mon parcours est quasi parfait comme le sourire de la Joconde. Party and bullshit and party.